les maris sont pas jaloux, on prend les numéros de téléphone. Ah, faut, pas qu'il, faut pas qu'il y ait ma femme parce qu'elle est jalouse. 06 69 22. Hein, là, la femme le dit. Je donne le mien, pas le sien. La dame qui était qui est venue au début, là, pareil, à rigolant, je dis pas les numéros de téléphone. Je dis, bah, je lui donne le mien, si vous voulez. Non, j'ai dit, ça sera pas nécessaire. Donne le mien. Sage. Je te donne le mien à voir. Un morceau de salaire. Ouais. Ah, j'avais trois affaires qui tournaient là, jusqu'à l'année dernière. Le soir, j'avais pas envie de courir les filles. Hein. Je vous dis, je rentrais chez moi, j'allais me coucher. Voilà comment il faut faire. Faut les fatiguer. On les fatigue et. Moi, je les avance jamais. Voilà. Ah, bah, c'est ça. Tiens, on va faire tout faire pour la faire. Je vais dépenser des sous. Oui, si on fait 43,88. Oui, je veux bien, merci. Mémé, s'il te plaît, tu viens d'ailleurs. Mais mon petit-fils m'appelle Mémé et Pépé. Alors moi, ça me donne pas de soucis. Ah, mais moi, je suis une bébé, c'est pas une bonne. D'ailleurs, les mémés, ça rentre tout le temps, et je confirme, la nuit, regarde. Combien on m'avait dit? La journée aussi, d'ailleurs. Combien on m'avait dit? 44,86. Mais la nuit, elle rentre, et la journée aussi. Le problème, c'est pas que ça rentre, c'est qu'elle rentre ou pas. Elle dit, elle est pas bien, elle est malade. Si vous voulez goûter autre chose, du chèvre. Vous aimez le chèvre? Ça, c'est un chèvre du Larzac, quelque chose. Non, voilà, si vous voulez goûter autre chose, vous ne gênez pas. La poussière, c'est tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'ai dit la poussière, c'est. J'avais des minous chez moi dans ma maison. Voilà, merci. Il est où mon fromage? Merci. Merci. Vous êtes tous en indiscrétion? Poulière. Mon père était une Narbonne. Ah ben oui, et mon père est de Furidone. Ça vous dit quelque chose? Eh ben, alors j'ai dit Narbonne, mais mon père, elle aussi dit quelque chose. Mon père est d'Ornizan, à côté de Lézignan-les-Corbières. Ah d'accord. Ah ben, allez, eh ben, ouais. Je vais vous faire le salaire. J'avais du lavabo, mais j'ai toujours mis. Si c'est pour que je chante, à mon avis, restez pas là, parce que je chante faux. J'espère qu'il enregistre pas toutes les bêtises que je dis, parce que sinon...